17-5, activation orale, prononciation, accent tonique, révision. Écoutez et répétez. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'accent tonique à l'intérieur des mots. Il y a un léger accent tonique sur la dernière syllabe d'un groupe rythmique ou d'un mot isolé. Un message. Un bassin. Un champion. Une question. Un portrait. Un enfant. Un acteur. Une personne. Un poète. Un pédant. Un service. Une terrasse. Pendant. Stupide. Profiter. La médecine. Une profession. Une allusion. Une cathédrale. Indépendant. Possible. Impossible.